Mais repêcher le boulet ne suffisait pas. Il fallait agir promptement, dans l'intérêt des voyageurs. Personne ne mettait en doute qu'ils ne fussent encore vivants. « Oui, » répétait incessamment Maston, dont la confiance gagnait tout le monde. « Ce sont des gens adroits que nos amis. Ils ne peuvent être tombés comme des imbéciles. Ils sont vivants, bien vivants. Mais il faut se hâter pour les retrouver tels. » Et l'on allait vite. On appropriait la Susquehanna pour sa nouvelle destination. Le projectile à l'aluminium ne pesait que 19 250 livres, poids bien inférieur à celui du câble transatlantique qui fut relevé dans des conditions pareilles. La seule difficulté était donc de repêcher un boulet cylindro conique que ses parois lisses rendaient difficile à crocher et qui était désormais à 20 000 pieds sous les eaux. Cependant, malgré la diligence déployée pour la confection des divers engins, 5 longs jours, 5 siècles s'écoulèrent avant que ces préparatifs fussent terminés. Pendant ce temps, l'opinion publique était surexcitée au plus haut point. Le sauvetage de Barbicane, de Nicholl et de Michel Ardan, était une affaire internationale. Enfin, les chaînes de halage, les chambres à air, les grappins automatiques furent embarqués à bord de la Susquehanna. Maston, l'ingénieur Murchison, les délégués du Gun Club occupaient déjà leur cabine. Il n'y a plus qu'à partir. Le 21 décembre, à 8h du soir, la corvette appareilla. Le 23 décembre, à 8h du matin, après une traversée rapide, la Susquehanna devait être arrivée sur le lieu du sinistre. Il fallut attendre midi pour obtenir un relèvement exact. La bouée sur laquelle était frappée la ligne de sonde n'avait pas encore été reconnue. À 12h47, on eut connaissance de la bouée. Toutes les précautions furent prises pour maintenir la corvette dans une immobilité complète. Maston, Blansberry frère, l'ingénieur Murchison, sans se soucier des dangers, prirent place dans les chambres à guerre. Leur descente commença à 1h25 du soir. Elle fut rapide. À 2h17, Maston et ses compagnons avaient atteint le fond du Pacifique. Mais le projectile restait invisible à leurs yeux. Ils explorèrent toute la plaine sous-marine, trompés à chaque instant par des illusions d'optique qui leur brisaient le cœur. La recherche continua dans ces conditions jusqu'au moment où l'air vicié de leur appareil de descente obligea les plongeurs à remonter.